Mais oui, bien sûr. Je le savais. Eureka. Plus de 150 ans après sa découverte, le monde est toujours assoiffé de pétrole. Et nous en consommons plus que la Terre ne peut en produire. Il est partout. La voiture, le transport routier, aérien, maritime. Ajoutez à cela la pétrochimie qui produit le plastique, environ 320 millions de tonnes chaque année. L'exploitation de cette énergie fossile a transfiguré nos sociétés. L'or noir a été le moteur de l'histoire du XXe siècle. Il fut même plus précieux que le sang des hommes. Pétrole, et puis c'est tout, c'est notre découverte du jour, une découverte onéreuse. Bienvenue dans Eureka. Et pour sonder cette histoire brûlante, nous avons le grand plaisir de recevoir en direct des studios de France Culture, Francis Perrin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste des problématiques énergétiques et chercheur associé au Policy Center for the New South. Et nous sommes également en ligne avec Mathieu Ozano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du groupe de réflexion de la transition énergétique The Shift Project, l'auteur du blog All Mine, chronique du début de la fin du pétrole, et l'auteur de L'or noir, la grande histoire du pétrole, aux éditions La Découverte. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Durant cette heure, nous allons voir comment cette ressource a été découverte, puis exploitée jusqu'à l'addiction. Né le 27 août 1859 à Titusville, Texas, le pétrole a tout juste 93 ans. C'est encore un tout jeune homme, mais un jeune homme à qui auto, navire, avion ne suffisent plus. Vos banilons, madame, la crème qui vous sert à vous démaquiller, le vernis de vos ongles, ce shampoing qui fait tant de publicité, du pétrole. L'insecticide que vous vaporisez, la masse noire de votre téléphone, la dissolution pour votre chambre à air, votre voiture et cette peinture dont vous êtes si fier, le fixateur de vos cheveux, monsieur, du pétrole. La glycérine de vos engelures, le faux cuir, la paraffine des pots de confiture et des fruits conservés, le butane qui fait cuire les œufs, le propane qui indifféremment vous endort ou coupe des tôles, encore du pétrole. 2600 produits de la vie moderne dérivent du pétrole, utilisent comme matière première un des éléments tirés du pétrole brut. Il n'est donc pas indispensable d'en prouver l'utilité. Le pétrole est nécessaire à qui veut vivre au rythme du monde moderne. Une archive de 1952 sur l'universalité de l'usage du pétrole. Aujourd'hui, près de 70 ans plus tard, on est toujours aussi pétro-addict, Francis Perrin. Oui, absolument. Pour les raisons que vous avez indiquées dans votre introduction et que nous venons d'entendre dans cet extrait. Quatre raisons clés. Transport routier, transport aérien, transport maritime. Et puis des usages non énergétiques du pétrole qui viennent d'être rappelés, avec au premier chef la pétrochimie et toutes les matières plastiques qui en découlent. Donc des milliers de produits qui sont omniprésents dans notre vie quotidienne, sans que souvent nous le sachions que c'est du pétrole transformé. Mathieu Ozano, j'ai lu que le pétrole est la source d'énergie la plus utilisée dans le monde. Oui, le pétrole, malgré les engagements à sortir du pétrole précisément et à respecter les engagements climatiques, le pétrole demeure la première source d'énergie aujourd'hui dans le monde. Et plus d'un tiers de toute l'énergie que l'on consomme pour se déplacer, pour fabriquer des choses, pour les faire venir de loin aussi, ces choses qui sont dérivées du pétrole. Alors là où la domination est la plus nette, c'est surtout dans les transports, Mathieu Ozano. Oui, malgré un essor pour l'instant balbutiant de la mobilité électrique dont on parle beaucoup, les transports mondiaux, Francis Perrin l'a rappelé, qu'ils soient maritimes, terrestres ou aériens, sont exclusivement dépendants de l'énergie tirée de la combustion du pétrole. Francis Perrin, le fioul, le gazole, le kérosène, l'essence, c'est bien tout ça dont il est question. Ce sont ce qu'on appelle les produits raffinés ou les produits pétroliers. Ce sont donc des produits dérivés du pétrole brut. Le pétrole brut, c'est ce qu'on trouve dans le sous-sol et qu'on ramène à la surface par des forages. Mais le consommateur ne consomme pas du pétrole brut. Il consomme des produits raffinés, ce qui suppose qu'entre l'extraction du pétrole brut et la consommation, par tout le monde, y compris vous et moi, il y a une opération qui s'appelle le raffinage. Une raffinerie, c'est une usine qui transforme du pétrole brut en produits raffinés, dont les carburants automobiles, bien sûr, essence, gazole, les carburants avions, les carburants pour les navires, le fioul lourd pour l'industrie, pour les centrales électriques, le fioul domestique pour le chauffage, le nafta pour la pétrochimie. Donc voilà, il y a cette séquence pétrole brut, produits raffinés, et ensuite, évidemment, consommation de ces produits raffinés. Alors comment fonctionne précisément le raffinage, justement ? Le raffinage, c'est une technique en fait de distillation du pétrole. Et dans à travers cette distillation, le pétrole va donner plusieurs fractions qui sont plus ou moins lourdes, plus ou moins légères en termes de densité. On aura dans les fractions légères les carburants, par exemple. On aura dans les fractions moyennes plutôt ce qui est le fioul domestique pour le chauffage. On aura dans les fractions lourdes le fioul lourd, comme son nom l'indique, qu'on va utiliser dans l'industrie ou dans le secteur de la production d'électricité. Donc, c'est ces fameuses tours de distillation que l'on voit quand on est devant une raffinerie, qu'on regarde une photo, une image ou un film montrant une raffinerie, ces fameuses tours de distillation qui permettent de transformer le pétrole brut en différentes coupes, c'est le terme technique utilisé, de produits raffinés. Mathieu Ozano, on peut rappeler d'où vient ce pétrole brut ? Ouais, alors le pétrole, c'est, on appelle ça une énergie fossile. Pourquoi est-ce qu'on parle d'énergie fossile ? Parce que le pétrole brut que l'on va chercher sous terre est le produit d'une évolution géologique lente dont le point de départ est le pourrissement, on peut dire en termes profanes, de micro-organismes, essentiellement du phytoplancton, du plancton végétal, qui a été pris dans des couches sédimentaires, disons à l'époque des dinosaures et avant, et donc des organismes vivants qui ont été pris dans des couches de sédiments et puis à l'étouffer en quelque sorte pendant des dizaines et des centaines de millions d'années, qui ont été donc ces molécules organiques au départ, c'est pour ça qu'on parle d'énergie fossile, ont été cassées par les forces géologiques afin de produire des molécules d'hydrocarbures, donc qui sont des mélanges très spécifiques d'hydrogène et de carbone. C'est la libération, c'est la combustion de cet hydrogène et de ce carbone qui fournit l'énergie qui est aujourd'hui, qui demeure aujourd'hui indispensable au fonctionnement de l'humanité technique développée moderne depuis un siècle et demi maintenant. Francis Perrin, on a aussi l'image très répandue hein, qu'un gisement, ce serait comme un lac de pétrole souterrain. Pas du tout. Ce serait simple à extraire, mais ce n'est pas le cas. Effectivement, on ne trouve pas de lac de pétrole. Comme vient de l'évoquer Mathieu Ozano en répondant à votre question sur la formation géologique du pétrole, le pétrole et le gaz naturel d'ailleurs aussi, un autre hydrocarbure, vont se former au sein de roches qu'on appelle des roches-mères. Et donc on ne tombe pas sur un lac de pétrole dans lequel il suffirait de pomper, et après tout le monde pourrait y aller avec son petit tonneau, c'est plus compliqué que ça. Il faut donc faire sortir le pétrole de ces roches-mères, c'est plus ou moins, c'est jamais facile, mais c'est plus ou moins difficile. Dans certains cas, ces roches-mères vont en quelque sorte retenir prisonnier le pétrole, c'est le fameux pétrole de schiste. Et pour cela, dans ces cas précis, il faut fracturer la roche avec la fameuse fracturation hydraulique. Donc voilà, c'est une exploitation compliquée qui peut être coûteuse, plus ou moins selon l'endroit où on se trouve. C'est très peu coûteux dans les sables, sous les sables du Moyen-Orient. C'est plus coûteux partout ailleurs dans le monde et parfois très coûteux. Pensons à l'exploitation pétrolière dans l'Arctique, par exemple. Évidemment, là, c'est extrêmement, extrêmement coûteux et pas très rentable par les temps qui courent. Mais donc, voilà, pas de lac de pétrole, mais du pétrole dans des roches, roches-mères, roches-réservoirs. Et il faut donc, pour les géologues, pour les géophysiciens, pour les ingénieurs pétroliers, pour les foreurs, eh bien déjà savoir où il faut faire un forage, en sachant que dans la plupart des forages que l'on fait, ce sont des forages secs, cela veut dire ni pétrole ni gaz, et que de temps en temps, peut-être une fois sur cinq, eh bien on va trouver du pétrole ou du gaz ou les deux. Mais sur le plan économique, quand on trouve notamment du pétrole. Comme en général, c'est assez rentable, sauf prix du pétrole très bas, ça vous permet largement de récupérer les coûts de vos forages secs, qui sont les plus nombreux, même aujourd'hui au XXIe siècle, avec des progrès techniques considérables dans l'industrie pétrolière depuis des dizaines d'années. Mathieu Ozano, on sait comment justement naissent ces gisements de pétrole ? Ou c'est quelque chose d'assez aléatoire ? Ah, on sait comment, où est-ce qu'ils se forment ? Alors, les géologues, depuis un siècle et demi, qu'ils mettent une énergie considérable à trouver cet or noir, ont une connaissance très précise hein, des conditions propices à la formation de réservoirs d'hydrocarbures. En général, ce sont dans des plaines sédimentaires, à des endroits où, à l'époque des dinosaures, se sont formés soit des grands lacs, soit des mers intérieures peu profondes, en général. Donc, par déduction, on arrive à savoir les conditions qui permettent d'avoir une certaine chance de trouver ces hydrocarbures. Et puis, une fois ces indices vérifiés, eh bien, aujourd'hui, les pétrogéologues disposent d'équipements extrêmement sophistiqués de géophysique pour aller vérifier leurs hypothèses et savoir s'ils vont trouver du pétrole de telle ou telle qualité ou effectivement des gisements qui mélangent du gaz naturel et du pétrole puisque finalement c'est exactement la même chose, la même formation, hein, c'est les mêmes origines et les mêmes formations, le gaz naturel et le pétrole. Et ça a été longtemps un art dans l'histoire du pétrole à l'époque de Rockefeller de trouver du pétrole qui demandait beaucoup d'intuition avec bien souvent beaucoup d'erreurs et parfois des hasards extrêmement heureux. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement une science exacte. Hein. Les pétrogéologues, on dispose de connaissances et d'équipements extrêmement précis pour trouver cet or noir. Manche de brosse en plastique. Pétrole. Rouge à lèvres, étui. Vernis à ongles, tablette, flacon. Pétrole. Manteau imperméable. Pétrole. Pas de nylon. Pétrole. Feu rouge. Non, n'exagérez pas. France Culture, Eureka, Natacha Triou. Avant le 19e siècle, avant l'âge d'or noir du pétrole, on connaît hein, ce pétrole depuis longtemps, Francis Perrin. Oui, depuis très longtemps. On peut remonter à l'Antiquité, hein. On peut remonter à la Chine ancienne, si bien sûr cette date fameuse sur laquelle nous allons revenir de 1859 marque le début de ce qu'on peut appeler l'ère moderne du pétrole. Le pétrole est connu des êtres humains depuis longtemps. D'ailleurs pour une raison très simple, c'est que dans certains pays, dans certaines régions, il y a tellement de pétrole que ce pétrole affleure à la surface. Et donc, dans certains coins, le pétrole, on le voit sans avoir besoin de faire un forage de plusieurs centaines de mètres ou de plusieurs kilomètres de profondeur. Il suffit de le ramasser. Alors, évidemment, avec les affleurements, on va pas en ramasser suffisamment. Il faut quand même aller le chercher sous terre. Mais on a, dans certains cas, dans certains pays fortement producteurs avec d'énormes réserves, du pétrole qui est remonté à l'échelle des temps géologiques jusqu'à la surface. Depuis les sous-sols de la Terre où il a été formé au sein des roches-mères que nous évoquions tout à l'heure. Donc c'est connu depuis longtemps et c'est utilisé depuis longtemps, mais pas pour les usages actuels. À l'époque, donc une époque lointaine, c'était pour la construction. On utilisait ça pour imperméabiliser les navires, par exemple, également. Des usages médicinaux. Bon. Donc, ça restait quand même des usages très limités. Et c'est bien sûr à la fin du 19e et au début du 20e siècle que la demande mondiale de pétrole va exploser, et surtout à partir du début du 20e siècle avec les transports que nous évoquions, et d'abord l'arrivée de l'automobile, la fameuse Ford aux États-Unis, etc., l'explosion de l'automobile au 20e siècle, et l'automobile qui va faire le choix du pétrole comme carburant. Ce n'était pas le seul choix possible, hein. Il y a des carburants avec de l'alcool, il y a des voitures électriques, etc., mais ce choix du pétrole, des carburants pétroliers, pour l'industrie automobile naissante qui va exploser, puis ensuite les autres modes de transport, avions, bateaux, et puis évidemment la guerre également. La Première Guerre mondiale, dans une guerre, les équipements que l'on utilise consomment du pétrole. des véhicules blindés, des chars d'assaut, des navires de guerre, des avions de combat. Tout ceci fonctionne aussi avec des carburants pétroliers. Alors avant d'aller jusqu'au XXe siècle, jusqu'au première guerre mondiale, je voudrais qu'on reste un peu dans cette antiquité, Mathieu Ozano, sur ces différents usages du pétrole pendant l'Antiquité. Ouais, même si on n'utilise pas le pétrole comme carburant avant l'ère moderne, néanmoins le bitume a un rôle stratégique, en particulier en Mésopotamie. Alors, symboliquement, c'est assez fascinant, je trouve, de se rappeler que la tour de Babel connaît la portée symbolique de ce symbole extrêmement fort de la tour de Babel dans l'Ancien Testament. Le bitume a servi de mortier, a permis d'unir les roches de la tour de Babel. Alors, et d'un niveau moins symbolique, on sait que dans les systèmes d'irrigation utilisés en Mésopotamie, les bitumes étaient très importants, précisément imperméabiliser ces canaux d'irrigation. Et on sait que dès l'époque babylonienne, c'était une matière première qui était objet de convoitises et parfois de conflits. Qui contrôlait le bitume, déjà en Mésopotamie, était disposé d'une matière première extrêmement importante. Extrêmement importante. Et on voit aussi que dès l'Antiquité, le pétrole fait déjà multi-usage, Mathieu Ozano. Oui, on s'en sert, alors effectivement, on s'en sert pour imperméabiliser. On s'en sert assez tôt comme ce qui a été le premier usage roi du pétrole à l'ère industrielle, comme source de lumière. Le pétrole lampant, alors c'est pas tout à fait l'Antiquité, en tout cas, on n'a pas de preuve de ça, mais dès les débuts de l'histoire de l'islam, enfin de l'Arabie, on utilise des alambics, un mot arabe, pour faire notamment du gaz luminescent, du pétrole luminescent, pardon, du pétrole lampant. Et puis on s'en sert aussi pour des usages, c'est un peu étonnant, mais pour des usages médicinaux comme cataplasme. Par exemple, Marco Polo raconte que on utilise le pétrole dont il est témoin de l'exploitation au bord de la mer Caspienne, Bakou, qui va devenir l'un des centres de l'industrie pétrolière à l'ère moderne. Et bien les chameaux ont guéri un certain nombre de maladies de peau, et en particulier les maladies de peau des chameaux en faisant des emplâtres de pétrole. Et on retrouve cet usage tout autour du monde. On retrouve précisément partout où il y a des affleurements. On le retrouve en Californie, on le retrouve en Indonésie. Voilà, donc il y a une multitude comme ça d'usages. C'est très important aussi le pétrole pour, grâce à la paraffine en fait, pour imperméabiliser des aliments. On s'en sert beaucoup pour pouvoir transporter des denrées périssables en les isolant dans de la glycérine. Alors avant de parler de cette fameuse date qui est 1859, de quand datent les premiers puits, les premiers forages, Francis Perrin? On sait que dans la Chine ancienne, donc avant Jésus-Christ, il y avait des forages qui ont produit du pétrole. Donc ça remonte à quelques siècles avant notre ère, donc c'est quelque chose d'assez lointain. On en a des témoignages assez relativement précis pour l'époque, évidemment. Et les Chinois, à cette même époque, transportaient du pétrole à travers ce qu'on appelle aujourd'hui un oléoduc ou un pipeline, qui ne sont pas évidemment ceux qu'on a aujourd'hui, bien sûr. Et ces oléoducs étaient en bambou. Donc on avait déjà à cette époque-là une production de pétrole et un transport du pétrole. Alors ensuite, évidemment, ça va se développer, se moderniser considérablement. Mais comme nous l'évoquons, en réponse à vos questions, l'histoire pétrolière est une histoire ancienne, même si l'ère pétrolière moderne, elle, remonte à environ 150 ans. On sait ce qui intéressait la Chine ancienne pour faire ses forages? Alors parfois, dans le passé, on faisait pas toujours des forages qui étaient des forages spécifiquement pétroliers. On faisait des forages pour trouver de l'eau. On cherchait du sel. Et puis, en creusant, on trouvait du pétrole. Ensuite, quand on va comprendre, bien sûr, beaucoup plus tard, l'intérêt considérable du pétrole et que la demande mondiale va exploser, on va se mettre à faire des forages qui sont spécifiquement des forages pétroliers, en tout cas pétroliers et gaziers. Mais parfois, par le passé, on trouvait du pétrole par hasard, en creusant le sol à la recherche d'autre chose. Mathieu Ozano, sur ces premiers forages ? Ouais, il y a deux dimensions. Alors effectivement, c'était souvent pour exploiter du sel, puisqu'en fait, les roches réservoirs dans lesquelles les hydrocarbures sont piégés sous des couches imperméables de sel, et on les utilisait. On a oublié deux usages parmi les très multiples usages anciens. Il y en a un qui est lié à la guerre, puisqu'en fait, on s'aperçoit très vite, notamment les Chinois, que le pouvoir incandescent du pétrole est intéressant et cet usage va se répandre depuis la Chine probablement jusque dans le bassin méditerranéen. On se souvient peut-être des fameux feux grégeois qu'on utilisait à Constantinople. Bien, le feu grégeois c'est du pétrole, du bitume qu'on enflamme. Et puis le second usage, c'est un usage à nouveau symbolique, mais pour moi qui a un écho avec cette espèce de pouvoir sacré de la puissance énergétique à l'ère moderne, on vénère le feu. On vénère le feu dans le feu de la terre, ce feu de l'huile de roche, petra oleum, le pétrole c'est l'huile de roche. Il y a des temples du feu que l'on vient parfois depuis de plusieurs milliers de kilomètres vénérer, notamment du côté de Bakou ou dans l'ancienne Perse, là où le pétrole affleure, on le récolte on l'utilisait à beaucoup d'usages profanes, mais on le vénère également dans des temples du feu, et notamment les Zoroastriens, les disciples de Zoroastre, c'est une des plus vieilles, si ce n'est la plus vieille religion monothéiste, vénérée dans des temples du feu, le pouvoir sacré de la lumière et du feu, dans des endroits qui paraissaient magiques, c'est-à-dire à des endroits où le feu sortait de la terre elle-même. Et l'idée que le pétrole a été une découverte purement américaine, ça tient donc plutôt de la récupération, Mathieu Ozano. Non, alors oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, 1859, c'est la première ruée vers l'or noir en Pennsylvanie. On va peut-être revenir un peu en détail, mais effectivement, comme on l'a dit, le pétrole est exploité depuis bien plus longtemps et y compris à travers des techniques de forage. Alors, l'industrie ensuite pétrolière a tellement été dominée par les États-Unis qu'il y a eu une légère captation d'héritage, au sens où on a fait un petit raccourci historique en expliquant que les Américains avaient inventé les techniques de forage qui ont permis d'exploiter le pétrole. Alors, c'est inexact. Il y a des forages, on l'a dit, Francis Perrin l'a dit, en Chine, très anciens, souvent dans des carrières de sel. On exploite le pétrole en Mésopotamie depuis la Haute Antiquité, mais y compris à travers des forages, on a des forages à l'ère de la révolution industrielle, avant 1859, notamment au Canada, et puis dans la région de Bakou, quelques années, parfois quelques décennies, avant 1859, et y compris en France, il y a à Pechelbronn, en Alsace, des exploitations de pétrole autorisées par Louis XV, c'est-à-dire un siècle, à peu près pratiquement un siècle, avant ce qui est véritablement l'année zéro de l'industrie pétrolière moderne, mais qui n'est pas l'invention de l'exploitation pétrolière, mais simplement le premier forage ayant donné lieu à une ruée vers l'or noir. Voilà. Mesdames et messieurs, j'ai traversé plus de la moitié de notre état pour être ici ce soir. J'ai pas pu venir plus tôt, mon nouveau puits se mettait en route à Coyote Hills, fallait que je m'en occupe. Ce puits produit maintenant 2000 barils et me garantit un revenu de $5000 par semaine. J'ai deux forages en cours et 16 puits en activité à Antelope. Alors, vous me croirez sur parole si je vous dis que je suis pétrolier. De nombreux hommes vont vous supplier de forer vos terres. Pas plus de 1 sur 20 sera même de le faire. Je suis prêt à agir, comme aucune autre entreprise sur le marché. Et ça, c'est parce que mon puits de Coyote Hills commence à produire. J'ai toute une batterie d'outils à votre disposition. Je peux livrer le gréage en camion en moins d'une semaine et mes relations de travail fourniront la charpente d'Etherix. Ces choses s'obtiennent par amitié quand il faut faire vite. Voilà pourquoi je suis prêt à m'engager à commencer le forage et à le financer. Vous avez ma parole. Mais fais pas cette tête d'enterrement. On a un océan de pétrole sous les pieds. Personne ne peut l'exploiter à part moi. C'était comme si l'intérieur de la Terre s'était consumé en un immense gouffre, rugissant et impétueux, semblable au Niagara, tandis qu'une colonne noire jaillissait dans les airs à plus de 60 mètres de hauteur avant de s'écraser sur le sol, en une masse épaisse, noire, visqueuse et liquide. Tous les outils et objets lourds furent projetés, et les hommes durent courir pour sauver leur vie. Le liquide, comme une casserole qui aurait bouilli trop vite, remplit le puits, déborda et se déversa le long du coteau. Porté par le vent, un rideau de brume atteignit les propriétés du culveur et la ville tout entière devint noire. Les femmes fuyèrent les champs de choux pour rejoindre les propriétés. Plus tard, on a raconté dans un éclat de rire homérique comment ces femmes avaient déploré que ces inestimables flots d'or noir aient causé la perte des vêtements qui séchaient ce jour-là au rebord des fenêtres. C'est maintenant l'ère du pétrole, et essayer d'en empêcher la production, c'est comme vouloir barrer la route aux chutes du Niagara. Un extrait de Oil, Pétrole, d'Upton Sinclair, roman adapté en 2007 avec There Will Be Blood, dont nous avons écouté un extrait. Alors, cette redécouverte moderne du pétrole aux États-Unis, ça se passe comment, Francis Perrin ? Nous sommes en Pennsylvanie. Nous sommes effectivement en Pennsylvanie, donc 1859, près de Titusville. Et nous avons donc ce fameux colonel Edwin Drake, qui n'était pas colonel d'ailleurs, mais qui est donc chargé par une compagnie pétrolière. Et c'est un élément très important, évidemment, pour qui montre évidemment ce que signifie cette date. Ce n'est pas quelqu'un qui vient comme ça, c'est une compagnie pétrolière, la Pennsylvania Rock Oil Company, qui va après changer de nom et s'appeler la Seneca Oil Company. Donc, un certain nombre de personnes se regroupent, créent une société pétrolière dans le but explicite de chercher du pétrole, pas de chercher de l'eau, du sel, et puis de trouver éventuellement du pétrole. Et c'est Edwin Drake, qui n'avait d'ailleurs aucune connaissance dans le pétrole, aucune connaissance géologique, qui avait fait une bonne partie de sa carrière dans l'industrie des chemins de fer, donc pas énormément de rapports. Il trouve un spécialiste du forage, mais du forage plus lié au sel. Et puis, donc, cette fameuse date du 27 août 1859, eh bien, ce forage, près de Titusville, débouche sur la découverte et la production de pétrole, une production très modeste. Hein. On estime à peut-être de l'ordre de 20 barils par jour, 20-25 barils par jour, c'est-à-dire très peu de choses. C'était pas un gisement prolifique. Hein. Mais voilà, à partir de là, comme le disait Mathieu Ozano tout à l'heure, on a une ruée vers l'or noir. D'abord dans la région en question, la vallée de Oil Creek, donc en Pennsylvanie, un grand nombre de sociétés pétrolières sont créées en disant « moi aussi je veux profiter de cette nouvelle richesse, donc il faut que je me dote des moyens juridiques et techniques pour pouvoir tenter ma chance ». Et dans une période de temps extrêmement rapide, c'est le mot évidemment de ruée, hein, ça dit bien ce que ça veut dire, ça se fait pas sur 50 ans, hein, dans les semaines, dans les mois qui suivent, cette découverte, son annonce, la publicité autour de tout ça, eh bien on voit des chercheurs de pétrole amateurs qui se lancent, qui créent des compagnies pétrolières, qui tentent de faire des forages. Donc c'est le début effectivement d'une véritable ruée et ça va donner aux États-Unis un rôle clé en termes de production pétrolière mondiale. Ils sont en avance sur les autres dans cette ère pétrolière moderne et ils vont devenir et rester pendant un certain temps le premier producteur mondial d'or noir avec une production supérieure à celle de tout le reste du monde combinée pendant un certain temps. Mathieu Ozano, pour rester un peu dans cette année clé, hein, 1859, qu'est-ce qui intéresse la compagnie, la Pennsylvania Rock Oil Company, dans ce pétrole, pour resituer un peu aussi le contexte historique? Alors, les deux usages, alors, bien avant le développement de l'industrie automobile, les deux usages très importants pour le pétrole, c'est, on a déjà parlé, le pétrole lampant, c'est-à-dire le pouvoir luminescent, et puis le rôle du pétrole en tant que lubrifiant. Alors, la lumière d'abord, c'est jusque-là, disposer de sources de lumière abondantes, c'était réservé aux riches, aux aristocrates, et la source reine, faire de la lumière très pure et pas nauséabonde, c'était le spermacity, l'huile des cachalots qu'on allait chercher dans des endroits extrêmement hostiles et dans des conditions très très compliquées. C'est pas très loin, la 1859, c'est pas très loin de la date où Melville a écrit Moby Dick. On a un peu par un raccourci, c'est à moitié vrai, mais on a prétendu que la découverte du pétrole avait sauvé les baleines. Alors c'est pas complètement faux, c'est vrai que la capacité de sortir de l'huile de roche permettait d'offrir une alternative à bien meilleur marché et bien plus près des centres de consommation. La Pennsylvanie, bah, c'est pas très loin de Chicago, des grandes villes industrielles de la région des Grands Lacs, et puis pas très loin de New York et de Philadelphie non plus. Pour la première fois, on avait à disposition une source de lumière bien plus abondante, tout aussi pure et de tout aussi bonne qualité que l'huile de baleine, et dans des conditions de production bien plus simples et avec des capacités de production très rapidement bien supérieures à la flotte baleinière, même la flotte américaine qui était à l'époque la plus importante du monde. Ça, c'est le premier usage. Et puis le second usage, qui est encore plus intimement lié à la révolution industrielle, c'est le rôle de lubrifiant. Alors là, c'est également très intéressant. On avait besoin de beaucoup de graisse, de toutes sortes d'huiles pour faire fabriquer les premières machines de la révolution industrielle. Mais là, encore une fois, avec le pétrole, on n'a pas une rupture technologique, on a plutôt une source bien plus abondante que ce dont on disposait jusque-là. Tout comme on utilisait l'huile de baleine pour la lumière, on utilisait des graisses animales et végétales, mais dans des conditions de production qui étaient limitées. Et là, pour la première fois, avec le pétrole, eh bien, on a à la fois une source de lubrification et une source de lumière pratiquement sans limite par rapport aux besoins de l'époque. Francis Perrin. Parce qu'à l'époque, en fait, la production est devenue très, très rapidement bien supérieure. Les capacités de production, les richesses qu'offrait la Terre de ces deux produits étaient bien supérieures à la demande, en tout cas. Oui, parce qu'à cette époque, au effet, je voulais voir avec Francis Perrin, donc avec ce colonel Drake, on voit l'invention du baril de pétrole, et le pétrole vaut parfois moins cher que l'eau. Comme la production a augmenté rapidement, s'est truée sur l'or noir, on s'est précipité. Alors il y a eu des cycles absolument extravagants. Hein. On avait les prix du pétrole qui montaient, qui s'effondraient dans des délais extrêmement courts. Mais on a eu une production extrêmement abondante par rapport à des besoins à l'époque qui étaient quand même relativement limités par rapport à ce qu'on a connu après. Et donc des prix du pétrole parfois extrêmement bas. Et la compétitivité économique du pétrole a été un élément important de son développement, en plus des atouts techniques que vient d'évoquer Mathieu Ozano par rapport à ses concurrents pour, dans le contexte de la fin du 19e siècle, donc l'éclairage, pétrole lampant, et puis les lubrifiants par rapport à d'autres options, mais souvent moins intéressantes et plus chères. Pardon, je vous ai... Ça me donne d'ailleurs l'occasion de dire que dans cette période clé d'à peu près la moitié du 19e siècle aux États-Unis, il y a donc ce que nous sommes en train d'évoquer, donc le forage en vue de produire du pétrole, et notamment 1859. Et puis il y a un petit peu avant, mais dans cette même période, il y a le travail fait par certains chimistes qui vont montrer que à partir du pétrole, on peut avoir certains produits tels que le kérosène, le kérosène, pétrole lampant, donc pour l'éclairage. Et on a donc dans cette époque une concentration d'évolutions technologiques qui porte sur la production du pétrole à travers des forages, donc type colonel entre guillemets Drake, et puis le travail de chimistes qui vont faire comprendre à certains investisseurs que comme le pétrole peut donner du kérosène, que le kérosène peut être utilisé pour l'éclairage, il y a donc un marché, parce que c'est bien de pouvoir produire quelque chose, mais pour des investisseurs au sens financier, le but n'est pas de produire pour produire, le but est de produire pour vendre. Donc on va produire du pétrole, d'accord, voilà, on sait le faire, on sait qu'on peut forer à travers des roches sédimentaires, mais quel est le marché, ou quels sont les marchés? Et donc on a à cette période-là, milieu du 19e siècle, pardon, des progrès intéressants à la fois dans les techniques de production forage, et également dans les techniques de ce qu'on appellera plus tard le raffinage, avec notamment la montée en puissance du kérosène. Et tout ceci va trouver, enfin en tout cas la partie kérosène, donc pétrole lampant éclairage, va trouver ses limites avec une autre évolution technologique, c'est l'électricité, qui évidemment va l'emporter, et on le comprend, rien de plus pratique que l'électricité pour s'éclairer, et donc après il va falloir trouver d'autres usages si on veut continuer cette ère pétrolière moderne qui vient de commencer. Alors, dans cette épopée du pétrole, on croise des hommes d'affaires, on en a évoqué, il y en a un surtout, un certain Rockefeller. Est-ce qu'on peut un peu présenter ce personnage de l'histoire du pétrole, Francis Perrin? Alors effectivement, il serait étonnant que dans cette émission, en parlant de pétrole, on ne parle pas de John Rockefeller, qui a été vraiment un homme clé dans ce domaine-là. Il a compris très tôt l'intérêt du pétrole, il a vu très rapidement, certainement de façon intuitive, c'était pas un pétrolier, mais il a compris très rapidement ce que ça pouvait donner, il s'est placé sur ce marché. Et il s'est placé de façon intéressante, il n'a pas commencé à investir dans la production de pétrole, à travers les forages que nous avons évoqués. Il s'est placé un petit peu plus loin dans le cycle du pétrole, au niveau du raffinage, donc transformation du pétrole brut en produits raffinés, et puis le transport du pétrole brut par oléoduc ou pipeline. Et il s'est mis à d'abord une première raffinerie, et puis ensuite il en a acheté, etc. Donc il s'est mis à acheter massivement ses actifs en aval de la production de pétrole, parce qu'il savait bien que forcément il faudrait passer par lui. On produit du pétrole, mais qu'est-ce qu'on fait avec le pétrole? Le consommateur ne consomme pas du pétrole brut. Il a besoin que ce pétrole soit raffiné pour avoir certains produits raffinés dont il a besoin. Et puis ce pétrole brut, il faut bien le transporter, il faut le mettre dans un tuyau qui s'appelle un oléoduc. Et donc avec ce qui va devenir la Standard Oil, un petit peu plus tard, vers 1870, mais peu de temps après, eh bien il va se mettre à racheter massivement aux États-Unis, pas partout aux États-Unis, c'est vaste, mais en tout cas dans les régions et notamment autour de la Pennsylvanie, des unités de raffinage, des oléoducs, et ça va lui permettre d'exercer un pouvoir de marché considérable, parce qu'il fallait, en tout cas dans ces régions-là, forcément passer par lui, d'où la montée en puissance de cette fameuse Standard Oil, ce trust, hein, qui va écraser la concurrence, écraser ses concurrents. C'était un grand philanthrope, mais dans la conduite de ses affaires, ce n'était pas un tendre, hein, c'est clair. Il a utilisé différents moyens, pas toujours légaux, pour se faire une part de marché considérable, jusqu'à ce que à Washington, on se dise que ça pose un petit peu des problèmes en termes de concurrence, et jusqu'à cette fameuse décision de 1911 de la Cour suprême, qui va casser la Standard Oil et la diviser en 34 sociétés différentes, tellement à l'époque on considérait que c'était une... On parlait pas encore des GAFA et des GAFAM à l'époque, hein, mais c'était une autre chose. Mais donc, en disant, voilà, il a acquis une puissance tellement importante en termes de pouvoir de marché que le seul moyen de retrouver un niveau de concurrence acceptable, c'est de briser la Standard Oil, et pas de la briser en deux ou en trois morceaux, mais en 34. C'est 1911. La Standard Oil, qui apparemment contrôlait plus de 90% du pétrole raffiné aux États-Unis. Mais Mathieu Ozano, ce monsieur Rockefeller, c'est le premier milliardaire de l'époque contemporaine. Oh, non. À l'époque, il y avait dans les mines et dans le dans les chemins de fer, il y avait des grandes fortunes. C'est l'époque, le Gilded Age, qu'on appelle aux États-Unis, l'époque des robber barons, des barons voleurs. Il y avait plein de fortunes, les Vanderbilt et autres. Mais il va devenir, effectivement, par contre, rapidement, et probablement peut-être encore aujourd'hui, l'homme le plus riche de tous les temps, ou en tout cas l'un des hommes les plus riches de tous les temps, parce qu'il a eu cette capacité à surfer mieux que tout autre une vague énorme. À l'époque, c'est pas du tout un génie entrepreneurial au sens où il aurait vu quelque chose que personne n'avait vu. En fait, il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui souhaitaient se placer sur cette vague dont tout le monde comprend très vite à l'époque que lorsqu'on parle du roi charbon, essentiellement au milieu du 19e, vers la fin du 19e, on sait que le vrai roi, c'est en train de devenir le roi pétrole. Donc, il y a beaucoup de prétendants à devenir le plus grand industriel pétrolier mondial. Et simplement, Rockefeller, à la fois avec une assiduité et en même temps, effectivement, comme l'a dit Francis Perrin, parfois des menées discutables, a parvient à s'imposer. Ce qui est, à mon avis, est intéressant, c'est que dans l'essor du capitalisme mondial, c'est-à-dire du capitalisme américain essentiellement, le personnage de Rockefeller est un personnage éminemment ambivalent, mais qui a toutes les qualités du héros ou de l'anti-héros, selon comment on voit les choses, du capitalisme moderne. C'est-à-dire qu'effectivement, il a peu de scrupules à écraser la concurrence. Il se retient même à un moment donné de l'écraser complètement, tellement sa position est ultra dominante, non pas par souci du respect de précisément de la concurrence, mais parce qu'il se dit que s'il contrôle 100% du marché, ça va trop se voir. Donc il laisse des miettes, il choisit de laisser quelques miettes à ses concurrents, et puis effectivement la fortune qu'il va très rapidement amasser va être structurante dans l'histoire du capitalisme, puisque les deux grandes banques de Wall Street, les deux piliers de Wall Street, la Chase Manhattan et ce qui va devenir Citibank, sont deux banques qui ont poussé littéralement sur le terreau fertile des profits sans égal fournis par le pétrole. Ce qui est important peut-être à retenir par rapport à ça, c'est que la raison pour laquelle aucune industrie ne produit autant de profits est une raison finalement physique. Ce pétrole est immédiatement un produit universellement demandé, mais tout comme l'acier ou le charbon, simplement pour des raisons physiques fondamentalement, le pétrole ne réclame pas, en tout cas à l'époque, des investissements très considérables, en tout cas pas des investissements permanents. Si vous arrêtez d'investir dans une mine de charbon, la production s'arrête. Le pétrole a cette qualité, en tout cas à l'époque, de remonter de sa propre pression et donc, du coup, ne demande que très peu de ce que les économistes appellent des investissements marginaux. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez foré le puits et construit la raffinerie, vous êtes assis sur une source de profit sans égal. Et moi, en tant que, disons qu'écologiste, je m'intéresse beaucoup aux raisons physiques et non pas humaines qui ont fait que le pétrole est devenu une industrie aussi importante. Et cette raison, pour moi, se résume à une seule chose, enfin en tout cas un aliment vraiment qui écrase toutes les autres raisons, c'est que, pour des raisons physiques, aucune industrie ne génère des taux de profit comparables au pétrole, en tout cas à l'époque. Je suis né dans les chantiers japonais. En vérité, j'appartiens aux Américains. Une filiale d'une compagnie navale dont j'ai oublié l'adresse à Los Angeles. De pétrole brut, 120 000 tonnes. Aux Bermudes, à 30 degrés de latitude, se tient la Barracuda Tankers Corporation. « donné en location à l'Union Oil Company de Californie. De pétrole brut, 120 000 tonnes. Story Canyon de Serge Gainsbourg à 16h44 sur France Culture pour Eureka, car nous parlons de 120 000 tonnes de pétrole brut, ou plus exactement de la découverte de l'or noir avec nos deux invités du jour, Mathieu Ozano, directeur du groupe de réflexion de la transition énergétique The Shift Project et l'auteur de L'or noir, la grande histoire du pétrole aux éditions La Découverte, et avec Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste des problématiques énergétiques. Alors, on l'a évoqué il y a quelques instants, au début du siècle, l'essor de l'électricité a mis un peu en péril le pétrole, mais en 1907, l'empire de Rockefeller est sauvé par celui naissant d'Henry Ford. Francis Perrin. Le couple pétrole-automobile est absolument fondamental dans toute l'histoire du XXe siècle. Il y a une relation très étroite, très très étroite entre ces deux industries. Et c'est encore le cas aujourd'hui, même si, comme chacun le sait, des transformations très importantes sont à l'œuvre avec la montée en puissance des véhicules électriques. Mais aujourd'hui encore, nous parlions des transports au début de cette émission et de l'importance du pétrole dans les transports. Aujourd'hui encore, transport routier, aérien, maritime, 90 à 100% de parts de marché, ce sont des carburants pétroliers. Et donc c'est vraiment effectivement l'arrivée de la voiture Ford et l'explosion de l'industrie automobile qui va faire le choix des carburants pétroliers par rapport à d'autres options techniques qui étaient possibles. Il y a rarement dans la vie une seule option technique. Il y en a qui peuvent être meilleures que d'autres. Et puis il y a l'économie, évidemment, il y a d'autres facteurs qui jouent, qui va faire exploser la demande mondiale de pétrole. Et ensuite, l'automobile... Donc véhicules pour les particuliers, poids lourds bien sûr, ce sera suivi par les autres secteurs des transports que nous avons évoqués, routiers et aériens. Le transport ferroviaire est moins dominé par le pétrole parce qu'il y a la traction électrique. Cela dit, il y a encore beaucoup de locomotives diesel dans le monde, donc même le secteur ferroviaire n'est pas non plus à l'abri des carburants pétroliers. Mais en tout cas, voilà, cette date du début, ce tournant du début du XXe siècle est fondamentale pour faire exploser la consommation pétrolière mondiale jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, quelles étaient les autres alternatives possibles ? Alors, l'alcool. Prenons le cas du Brésil. Au Brésil, vous avez des millions de véhicules aujourd'hui qui fonctionnent à l'alcool, à partir de la canne à sucre. Évidemment, les véhicules électriques. Mais la voiture électrique, c'est pas connu simplement depuis quelques années. C'est en train de se développer très fortement dans la période récente. Mais des véhicules électriques, on sait qu'on peut en faire depuis longtemps. Donc, c'était les principaux... Il y a les biocarburants, mais ça, on n'y pensait pas forcément tellement à l'époque. Donc, c'était les principales... Et notamment l'option alcool-carburant pétrolier. Le pétrole l'a emporté. Et ça a fait que le XXe siècle peut vraiment être qualifié d'ère pétrolière. Si l'industrie automobile avait fait un autre choix, évidemment, l'histoire aurait été complètement différente et il faudrait la réécrire. Mais nous ne sommes pas là pour la réécrire, c'est déjà suffisamment intéressant de la décrire. Alors c'est grâce donc à l'automobile que le pétrole trouve sa capacité de développement exponentiel. Mais à partir de quand le pétrole s'impose dans toute l'économie mondiale ? C'est les premières guerres mondiales, Mathieu Ozano ? Oui, le pétrole devient la première source, détrône le roi charbon au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en volume, en quantité, mais en qualité, le pétrole s'impose très rapidement, et en particulier dans les forces armées, comme la source d'énergie la plus commode, la plus dense, la plus facile à utiliser. On le voit dès avant la Première Guerre mondiale dans le choix stratégique assez vertigineux, fait mais extrêmement extrêmement lucide, fait par la Navy, la Royal Navy, avec à sa tête à l'époque le jeune Winston Churchill, qui a l'intelligence d'écouter les amiraux qui lui disent « Attention, si on veut garder la suprématie sur les mers, il est très important de passer du charbon au pétrole pour une raison à nouveau physique et technique. C'est pour ça fondamentalement que le pétrole domine. » Cette raison, elle tient en particulier, enfin, elle tient beaucoup de qualités, beaucoup de propriétés. Peut-être la principale, c'est la nature liquide du pétrole, qui fait que vous n'avez pas besoin d'avoir des soutiers qui pelletent du charbon à fond de cale toute la journée. Donc vous économisez des matelots, vous économisez du poids aussi, puisque le pétrole est plus dense énergétiquement. Donc voilà, si c'est l'énergie d'abord en qualité reine. Il faut pas oublier, on a fait allusion à l'électricité. Je fais une petite parenthèse. Il faut pas oublier que jusqu'au choc pétrolier de 1973, le pétrole était également derrière les barrages et le charbon la troisième source de production d'électricité. Mais effectivement, c'est en termes de qualité pour faire se mouvoir les forces armées. On le voit dès la Première mondiale avec des épisodes symboliques comme les taxis de la Marne, par exemple, mais surtout plus fondamentalement dans le rôle de la cavalerie de vol blindé dans les chars d'assaut pour rompre la guerre de tranchées à partir de 1917. Et c'est à ce moment-là que Clémenceau a cette phrase, dans un appel au secours qu'il lance au président Wilson, pour lui demander de ravitailler les forces armées qui sont à deux doigts de tomber en panne sèche. Il a ce mot dans un cadeau télégramme transatlantique qu'il envoie au président Wilson. Il dit, dans les guerres de demain, une goutte de pétrole vaudra une goutte de sang. Eh bien, nous terminerons l'émission ce soir par le courrier des auditrices. C'est d'abord la lettre de Mademoiselle Loiseau qui voudrait savoir comment désodoriser un carafon de camping qui a contenu du pétrole. Eh bien, il suffira tout simplement de rincer le carafon avec de l'eau froide contenant de l'acide sulfurique à raison d'une cuillère à soupe par demi-litre. Merci Jacqueline. France Culture, Eureka, Natacha Triou. J'aime ça, le pétrole. Impossible de parler de pétrole sans penser aux problèmes qui soulèvent la pollution industrielle et la dépendance énergétique. Francis Perrin, quand est-ce qu'on découvre l'impact environnemental des hydrocarbures ? Quand est-ce que la question de ce problème se pose ? On le découvre assez rapidement. Dans ce temps des pionniers que nous évoquions, donc à partir de 1859 aux États-Unis, les accidents étaient monnaie courante, avec des éruptions de pétrole. Ça existe d'ailleurs encore aujourd'hui. Hein. On pense notamment à la marée noire en 2010 dans le golfe du Mexique, qui a été la plus importante marée noire dans l'histoire des États-Unis et l'une des plus importantes dans le monde. Mais aujourd'hui, ça arrive relativement rarement. Mais à l'époque, on n'a pas évidemment les connaissances techniques et scientifiques que l'on a, on n'a pas les mesures de sécurité, on n'a pas des blocs obturateurs de puits, etc. Donc ça part dans tous les côtés, il y a des gens qui sont tués, il y a des gens qui sont gravement brûlés, le pétrole coule de tous les côtés. D'autant plus que dans le contexte américain, il faut rappeler un point juridique très important, c'est qu'aux États-Unis, le propriétaire du sol est aussi le propriétaire du sous-sol. Et donc, quand vous voyez que quelqu'un est en train de produire du pétrole à un endroit A, tout le monde se précipite pour acheter des terrains autour, commencer à forer en essayant de lui piquer son pétrole. Et donc, cette ruée vers l'or noir, cette course au pétrole et à l'argent et au profit, génère souvent des accidents. Donc, on est très conscient depuis le début. Par contre, évidemment, on se dit, on est dans cette course au pétrole, à l'argent, à l'énergie. Et ce n'est pas le fait qu'on ne savait pas que c'est polluant, que ça pose plein de problèmes pour l'environnement. C'est comment est-ce qu'on place l'environnement et la protection de l'environnement par rapport à d'autres impératifs. Et en l'occurrence, l'accès à l'énergie. Le fait que le monde se préoccupe beaucoup de l'environnement, c'est relativement récent en termes historiques. Ça ne veut pas dire qu'avant, on pensait que le pétrole était complètement propre et ne posait pas de problème, qu'il n'y avait pas d'accident, qu'il n'y avait pas de morts et de blessés, de problèmes de sécurité pour les travailleurs et pour les populations environnantes et pour l'environnement. Mais quelle est la place que l'on donne à ces aspects environnementaux par rapport à l'argent du pétrole, par rapport à la disponibilité du pétrole pour différents usages, dont les transports, la pétrochimie. Et donc, pendant des dizaines d'années, on était conscient de tout ça, mais ça apparaissait comme un mal nécessaire pour un progrès de l'humanité, de la société, de l'économie, qui était considéré comme absolument incontestable et inévitable. Dans l'un des reportages que nous avons écoutés, il y a un moment, une personne qui dit « vouloir s'opposer au développement du pétrole, c'est comme vouloir s'opposer aux chutes du Niagara ». Bon, donc ça traduit bien cette phrase, effectivement, le contexte pendant lequel, pas seulement les États-Unis, mais le monde a été en disant « le pétrole, on en a besoin, on ne peut pas s'en passer ». Donc ça pose des problèmes environnementaux, etc. Mais bon, c'est dommage, on va essayer de faire le mieux possible, le moins mal possible. Mais l'important, c'est le pétrole, c'est l'énergie, c'est l'argent du pétrole. Mathieu Ozano, au départ, on pense que c'est une ressource inépuisable. Quand est-ce qu'on se rend compte que ce n'est pas le cas? Alors en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le caractère tarissable du pétrole est présent à l'esprit non seulement des pétroliers, mais des observateurs attentifs du boom économique très tôt, très tôt. Et à raison, puisque la Pennsylvanie, dont on a parlé, va être une région pétrolifère, a été la première région pétrolifère aux États-Unis, et elle va entrer en déclin au début du XXe siècle. Et donc, il y a perpétuellement dans l'esprit des pétroliers cet impératif de trouver du pétrole pour compenser le déclin de zones qui sont en déclin parce que le pétrole s'y épuise. Et en fait, l'histoire du pétrole est une histoire perpétuelle de jusqu'à présent d'épuisements qui ont pu être compensés par le développement de nouvelles sources. La dernière en date étant le pétrole de schiste que Francis Perrin a évoqué au début de l'émission. Sans le pétrole de schiste, la production mondiale de pétrole n'aurait pas augmenté depuis 10 ans, malgré des investissements sans précédent au cours de cette dernière décennie dans la recherche du pétrole. Donc, on a tout le temps, tout au cours du XXe siècle, ce problème du déclin. Et pour les États-Unis, ça a eu un rôle, alors peut-être qui est aujourd'hui encore peu présent à l'esprit, mais qui est très clair dans l'esprit de gens comme Dick Cheney ou comme Henry Kissinger. La production de pétrole conventionnel, de pétrole liquide classique des États-Unis entre en déclin à partir de 1970 de manière très régulière et même anticipée par quelques pétrogéologues clairvoyants. Et ce déclin de la production du Texas, de l'Oklahoma, puis de la Californie, c'est-à-dire des trois États les plus généreux en pétrole, ce déclin à partir de 1970 va déclencher un changement de pied géostratégique de la part des États-Unis qui vont de plus en plus investir leur puissance là où le pétrole a encore de beaux jours devant lui, si j'ose dire, c'est-à-dire dans le golfe arabo-persique. Et je prends, moi, puisque on parle du rôle tragique de la face obscure, oui, de cette histoire, il y a quand même le problème de ce déclin, et je pense qu'on peut tout à fait conclure que la guerre qui a commencé le 21e siècle, qui est censé le siècle de la sortie du pétrole, aura été une guerre pour le pétrole, avec l'invasion de l'Irak en 2003. Merci à vous deux pour cette histoire de l'âge d'or noir. Pour notre générique de fin, on se quitte avec la chanteuse Amarande, obsédée par le pétrole. J'ai mis dans moi-même quelques Jéroboams, du carburant le plus divin. Au réveil le matin, je vois mon pipelard bien installé dans mon jardin. Et si les hommes me rendent folle, je suis obsédée par le pétrole. Oui, si les hommes me rendent folle, je suis obsédée par le pétrole. Merci à toute l'équipe d'Eureka, Anne Toscan-Vides, Éléonore Pérez, Mariam Ibrahim et Antonin Berger, Nicolas Berger à la réalisation et Félix Delacour à la technique. Demain, nous faisons la découverte de la radioactivité, demain à 16h. Mais d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à inventer. France Culture. L'esprit d'ouverture.